Donc, dans la catégorie « Je recycle mon tube néon dans mon magasin de bricolage », les gagnants sont Karim de Rohan dans Le Monde de Néon, Mathias de Romainville dans Apocalypse Néon, Nathalie de Tarbes dans Mon Néon et Personne. Karim, alors heureux? Je suis super heureux, mais vous savez, j'ai un secret. Quand j'ai un néon ou une ampoule à changer, je les prends avec moi au magasin, comme ça je me trompe pas de modèle, et en partant, hop, dans le bac de recyclage. Mais oui, rapporter son tube néon ou son ampoule dans un bac de recyclage, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que leurs composants soient recyclés à plus de 90%. Toutes les solutions de recyclage sur recylum.com. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est une expérience émotionnelle plutôt désagréable, assez fréquente et qui peut prendre parfois beaucoup de place dans notre esprit. Il s'agit donc de la culpabilité, sentiment qui apparaît lorsque nous avons commis une faute ou transgressé une règle, mais parfois on peut se sentir également coupable alors qu'il n'y a pas lieu de l'être. Différentes situations qui peuvent nous empoisonner la vie. Et la tête au carré s'intéresse donc aujourd'hui à la culpabilité en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho qui lui consacre un dossier dans son nouveau numéro. Avec mes invités, nous allons voir d'où vient la culpabilité, quelle peut être son utilité ou au contraire sa toxicité. Et enfin, comment trouver un bon équilibre avec cette émotion. Et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages, vos questions, voire vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, on passe des termitières au rayon X, c'est notre programme. Oui, puisqu'une équipe franco-britannique vient de découvrir que les termites ont aussi leur réseau secondaire de canalisation. On part sillonner leur nid dans un instant. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter. La culpabilité, dossier donc dans un instant de l'émission en partenariat avec Cerveau et Psycho. Et pour en parler, je suis entre autres avec son rédacteur en chef Sébastien Boller. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. À vos côtés, Yves-Alexandre Talman, professeur de psychologie à Fribourg et auteur d'un livre « Au diable, la culpabilité » aux éditions Jouvence. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en duplex des studios de France Bleu Savoie, nous sommes avec Aurélien Graton, chercheur en psychologie. Bonjour à vous. Bonjour. Sébastien Boller, en cette journée autour de la pollution au plastique sur France Inter, on va voir que se libérer de la culpabilité peut justement nous faire du bien. C'est pour reprendre le titre de votre magazine. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans la culpabilité, alors ? C'est une émotion fascinante, parce que c'est une émotion à double tranchant. Vous avez dit, il faut se libérer. C'est vrai que c'est important de se libérer de la culpabilité quand elle est trop pesante. Mais il faut surtout pas imaginer qu'on pourrait vivre sans culpabilité. C'est une émotion sociale qui est fondamentale pour faire attention aux autres. Donc, c'est pas seulement se libérer, c'est trouver plutôt la bonne dose, je dirais. Donc, il y a une utilité aussi, on va le voir. Ah oui, oui. Ça, c'est un aspect qu'on ignore peut-être. Aurélien Graton, ce qui est marquant dans la culpabilité, c'est justement le sentiment de faute qui est assez central, alors même qu'on ne peut ne pas en commettre. Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'émotions subjectives aussi, parce que ça part du fait d'une auto-évaluation sur ce qu'on a effectué. Et ce sentiment de faute, il peut survenir alors même que la faute n'est pas réelle. Et donc l'émotion peut apparaître alors même qu'il n'y a pas de faute réellement commise. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, alors, précisément, quand on s'accuse de quelque chose à tort? Ben, ce qui se passe ne va pas être très différent de la faute réelle, pour le coup, en termes de ressenti émotionnel, bien sûr, puisque la culpabilité, vous l'avez dit un petit peu en introduction, il y a deux conditions, en fait, pour la ressentir. Il faut avoir cette sensation de faute, donc l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, et aussi d'avoir commis du tort à autrui, en fait. Il faut avoir causé du tort. Et dès que vous avez ces deux ressentis qui sont réunis, vous avez l'apparition de la culpabilité. Après, que le sentiment de faute soit réel ou non, c'est quelque part une autre question. Yves-Alexandre Talman, ce sentiment de culpabilité, justement, on va essayer de le travailler pour tenter de le dépasser. C'est aussi un petit peu l'objet de votre ouvrage. Oui, et on peut même ajouter à ce qui vient d'être dit qu'on peut s'auto-culpabiliser par rapport à soi-même. Exemple, si je ne pratique pas assez d'activité physique ou que je mange des aliments malsains, je peux me culpabiliser, ressentir de la culpabilité, mais par rapport à moi-même, sans même impliquer d'autres personnes. Donc ça peut vraiment dégénérer, hein, et dans ce sens-là, devenir toxique, voire pathologique. Oui, absolument, on verra aussi ces aspects-là. Et puis, l'aspect neurosciences, évidemment, Sébastien, parce qu'on peut parler d'une empreinte cérébrale aussi de la culpabilité. Il y a une activité de notre cerveau qui est bien identifiée, effectivement, et qui sous-tend l'état psychologique de culpabilité. Donc ça fait intervenir des régions cérébrales bien précises. Ça nous renseigne aussi sur notre fonctionnement intime, c'est qu'on est équipé cérébralement pour ressentir ce sentiment. Il a certainement une fonction sociale bien précise. Et effectivement, l'empreinte peut devenir très pénible, voire difficile à gommer dans des cas de culpabilité irrationnelle qui remonte à l'enfance, qui remonte à l'image qu'on a de soi-même. Donc ça peut aider quand même de savoir comment le cerveau fonctionne à ce niveau-là. Allez, on fait le tour de la culpabilité ensemble dans un instant. Puis bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs de La Tête au Carré qui nous rejoignent sur franceinter.fr. La première chose que l'on construira sera la chambre royale. Et la reine commencera à pondre. Et bientôt, dans ce trou, il y aura d'autres cellules, des kilomètres de galeries et des centaines de milliers de nouveaux termites à qui l'on apprendra à être manœuvre, maçon, domestique, infirmier ou soldat. Et c'est donc un voyage au cœur des termitières avec vous, Axel, à la Une de la Science aujourd'hui. Oui, Mathieu, et on l'a vu dans le son, une termitière, ça commence presque toujours comme un conte pour enfants. Un roi et une reine se rencontrent, ils s'enfouissent dans le sol, façonnent une jolie chambre avec un mélange de terre, de salive et parfois de fesses. Et ensuite, vous connaissez la fin, Mathieu. Oui, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hein, mais vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Oui. Plusieurs millions. C'est comme ça que les termitières naissent, tout comme le travail des scientifiques qui cherchent à comprendre l'organisation interne de ces structures. L'étude au rayon X de plusieurs nids venus d'Afrique vient d'être publié dans la revue Science Advances et nous sommes au téléphone pour en parler, non en duplex avec les locaux de Toulouse, avec vous Christian Josse, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur donc à Toulouse, à l'université Paul Sabatier et au Centre de Recherche pour la Cognition Animale. Alors qu'est-ce que vous cherchiez à voir de plus en plaçant ces nids de termites africains, sans les termites bien sûr, dans différents appareils à rayon X? Nous, on part de l'intérêt général. Oui, notre équipe, c'est un travail en équipe, bien sûr. On s'intéresse à l'architecture des termites en général et en particulier comment les termites coordonnent leur travail à faire ces architectures sans qu'il y ait un chef, sans qu'il y ait un architecte qui les dirige. Oui, parce qu'on appelle ça l'auto-organisation. Les termitières sont très étudiées, hein. On s'en inspire même pour l'architecture, donc on commence à les connaître. Pas tant que ça. Si on regarde la littérature sur les termites, la moitié est consacrée à comment les tuer. Ah oui. Parce qu'il y a une vingtaine d'espèces qui sont nuisibles. Et vous, mais c'est plutôt comment s'en inspirer alors? Oui, c'est que 20 espèces sur quelques milliers d'espèces, donc c'est, pour moi c'est un peu négligeable que c'est nuisible, même si ça peut être embêtant. Moi je m'intéresse plus à ce que font les autres, justement leur architecture. Alors, vu de la terre ferme, à quoi est-ce qu'elles ressemblent les nids que vous avez rapportés d'Afrique? Alors, celle des Trinevetermes, c'est une sorte d'éponge. Quand on est là-dedans, c'est très homogène, on se balade sur des surfaces, on passe d'une sorte de chambre à une autre, mais on ne sait plus très bien où on est. On a des casques virtuels pour se balader là-dedans, et là, des fois, la tête en bas, la tête en haut, c'est pas très clair où y aller, comment s'y orienter là-dedans et tout ça. Alors oui, la grosse découverte là quand même de vos travaux, elle se joue à une échelle toute petite, celle du nanomètre. Vous avez mis en évidence qu'il existait un deuxième système de canalisation, en quelque sorte un réseau secondaire. Est-ce qu'on peut dire comme ça des canalisations? On peut dire canalisation, c'est un réseau pour acheminer des choses. Dans notre cas, c'est l'acheminer l'eau de pluie par exemple et l'air usé ou nouveau. Mais ils font quelle taille ces tuyaux? Ben justement, c'est à l'échelle du micromètre, ça veut dire quelques dizaines, voire centaines de micromètres, ben plutôt moins. Et c'était ça la surprise de ce travail. Nous, on connaissait déjà ces architectures avec les tomographies à rayon X qu'on a pris au CHU de Rongoy, donc à l'hôpital. On a apporté les nids le samedi matin et on a fait les scans. Et donc, on connaît l'architecture à l'échelle millimétrique. Maintenant, nos collègues à Londres, ils ont pris les échantillons et ils sont passés dans des microtomographes. Et à cette échelle micrométrique, tout d'un coup, on a trouvé un nouveau réseau de communication. Mais le micromètre, c'est plus petit que l'animal en lui-même, c'est ça, hein? Bien sûr. Un termite, c'est de l'ordre de 4 à 5 millimètres. Donc comment est-ce qu'elles font pour construire un réseau qui est plus petit qu'elles-mêmes? Ça, c'est la question ouverte. On n'a pas encore répondu à ça dans la publication. On a seulement constaté qu'il existe. Maintenant, ça peut être le comportement de l'animal lui-même. Ça peut être les forces physiques au moment où ils déposent leur boulette, la compacte. Et... Donc ça peut être physique ou comportemental, on ne sait pas encore. C'est spéculatif pour le moment. Mais quand on est un termite et qu'on cherche à construire une termitière, quelles sont les choses qu'on doit prendre en compte? Quelles sont les contraintes? Ah, déjà pour nous, le termite, c'est une sorte de... un répertoire comportemental, des choses suite à un certain stimulus, les termites font quelque chose avec une certaine probabilité. Bon, là, c'est un peu abstrait, mais l'idée, c'est dans la construction, ils prennent les boulettes quelque part, ils se déplacent, ils déposent par de préférence là où il y a déjà d'autres boulettes récemment déposées. Donc ça module leur probabilité de déposer des boulettes, ça mène à une rétroaction positive qui fait émerger les premiers piliers. Donc c'est dans cet ordre de grande qu'on réfléchit sur leur comportement de base, sans qu'il y ait des réflexions compliquées. Oui, c'est ça, c'est pas un choix, hein, c'est ça que vous dites, c'est guidé par des réflexes. Je n'utilise pas le mot réflexe, parce que le réflexe, c'est quelque chose de déterministe. On tape sur le genou, en extend on fait projeter sa jambe. C'est plus compliqué que ça, c'est plutôt justement probabiliste. Quand on a une certaine perception locale de l'environnement, il y a une certaine probabilité de faire telle et telle chose. Et ça, pour différents stimuli, ça fait émerger des complexités assez intéressantes. Alors justement, on l'a dit au tout début d'émission et de chronique, comment est-ce qu'on s'en inspire aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que les termitières sont capables de réguler leur température, l'évacuation des eaux, la circulation des gaz. Comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer de ces termitières et de ces constructions? Pour le moment, en application, les inspirations principales viennent d'une autre espèce de termites, les macrothermites, qui eux-mêmes sont des agriculteurs, ils ont des chambres de culture de champignons à l'entrée de la termitière, et donc ils ont un problème de renouvellement d'air, parce qu'il y a beaucoup de métabolisme, beaucoup de CO2 produits, d'oxygène consommé, et ces termites-là, ils ont vraiment un système de ventilation assez sophistiqué, avec des tunnels complexes qui passent à la périphérie, à l'intérieur, qui utilisent les radiations solaires pour faire circuler cet air et renouveler tout. Là, on est face à deux termites plus simples, les Trinavitermes. Ils n'ont pas des champignons, ce n'est pas des agriculteurs, donc ils ont un métabolisme moins gourmand. Et pourtant, ils ont aussi besoin de faire ces échanges gazeux. Et là, on a justement trouvé que, tout simplement par l'interaction entre les forces de vent extérieures et ces réseaux de ports à l'échelle millimétrique et micrométrique, l'échange gazeux est assez efficace. D'accord. Merci beaucoup, Christian Jost. On va terminer là-dessus avec ces informations donc sur la science du termite. On peut dire ça comme ça, vous qui êtes chercheur justement au Centre pour la cognition animale à l'Université de Toulouse. Merci beaucoup à vous. Et Axel, on se retrouve demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la première sortie 100% féminine dans l'espace n'aura pas lieu. La nouvelle qui a déçu un bon nombre d'internautes a été annoncée hier par la NASA. Christina Koch et Anna McCain devaient entreprendre une opération de maintenance de l'ISS en duo vendredi. Mais il n'y aurait pas assez de combinaisons prêtes et à la bonne taille pour garantir la sécurité des deux compatriotes. Un manque d'anticipation qui tombe mal. L'opération est maintenue, mais se fera donc avec l'Américain Nick Hagg. Le cerveau est-il capable de produire de nouveaux neurones tout au long de la vie? Eh bien, c'est l'une des controverses les plus vives en neurosciences actuellement. Une nouvelle pierre vient s'ajouter du côté positif de la balance. Avec un travail publié dans la revue Nature aujourd'hui, des chercheurs canadiens ont trouvé des traces de neurones immatures dans des échantillons de personnes âgées décédées. Et donc cette information est importante puisqu'elles avaient entre 43 et 87 ans, un protocole innovant et des résultats très débattus depuis d'ailleurs leur publication. Et puis pour terminer, au Costa Rica vit un lézard champion de plongée sous-marine. Anolis aquaticus, c'est son nom, est relativement peu rapide sur la terre ferme, mais il s'avère très agile sous l'eau. Une étude parue cette semaine montre que pour échapper aux prédateurs terrestres, il est capable de plonger pour se cacher sous l'eau, d'y rester pendant plus d'une quinzaine de minutes, capable également, selon les chercheurs, de respirer en recyclant les bulles d'air qui s'accroche sur son corps. Cette méthode tout à fait nouvelle va faire l'objet de nouvelles études. Allez, culpabilité au menu de la tête au carré dans un instant. sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que boia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que cuia te ama, te beija pra viajar. Cousola, c'était Pongo. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Figurez-vous que Gaspard a retrouvé l'un de vos linges de toilette dans les hortensias. Vous savez les hortensias qui sont sous les fenêtres de la chambre de Sophie? Voilà, Maigret. J'espère de tout cœur que vous ne mentez pas. Qu'en penses-tu, Sophie? Pardon, non. Cette fois, tu es impardonnable, tu mérites le fouet. Qu'est-ce que je vais faire d'une petite fille pareille, hein? Elle se repent, madame. Dis-nous, Sophie, que tu ne veux plus être une vilaine petite fille. Je suis honteuse de t'avoir volé. Tu es toujours honteuse de tes fautes, mais tu recommences toujours. Je ne suis pas bonne comme Camille et Malette. Alors il va falloir que je ferme toute ta clé dans la maison de peur que tu ne me voles? Non, maman. Je ne te fouetterai pas. Mais tu es punie pour 3 jours dans ta chambre. Tu n'auras que du pain et de le cambre-pain. Je ne veux plus te voir. Je veux pas une petite menteuse comme fille. Voilà les malheurs de Sophie pour ouvrir ce dossier. Et oui, c'est dur, hein, sur la culpabilité. On entendait de la honte, mais il y a sûrement de la culpabilité chez la pauvre Sophie. C'est le dossier de notre émission en partenariat avec Cerveau et Psycho, qui lui consacre donc tout un dossier dans son nouveau numéro actuellement dans les kiosques. Sébastien Boller, vous en êtes le rédacteur en chef. Et puis Yves-Alexandre Talman est également avec nous, professeur de psychologie à Fribourg, et puis auteur donc de ce livre Au diable, la culpabilité chez Jouvence. Et puis Aurélien Graton, enseignant-chercheur en psychologie à l'université Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes en duplex, justement, des studios de France Bleu Savoie avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Aurélien Graton, votre sujet de thèse, c'était justement sur le thème de la culpabilité, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était sur la culpabilité avec un lien qu'on essayait de faire entre le ressenti de cette émotion et une application aux comportements pro-environnementaux. Donc ça rejoint un peu la thématique de la journée aujourd'hui aussi sur France Inter, sur le plastique. Oui. En essayant de voir justement dans quelle mesure cette émotion pouvait ou non favoriser des comportements écologiques, des comportements pro-environnementaux. Sachant, comme on l'a évoqué en introduction, que c'est une émotion qui bascule rapidement d'un côté ou de l'autre, en fait, sur le fil du rasoir un petit peu. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé d'ailleurs à ce sujet, ou en particulier alors dans ce domaine de la psychologie? Parce que c'est vrai que alors les thématiques émotionnelles sont intéressantes en tant que telles, parce qu'il y a beaucoup de recherches récentes, justement, on essaie de creuser un petit peu le contenu de ces émotions, en s'apercevant que la distinction entre une émotion et une autre, on a entendu dans l'extrait là, des malheurs de Sophie, que la honte, la culpabilité pouvaient être proches, mais on sait aussi que ce sont des émotions différentes. Oui. Et dans des thématiques, on va dire, sociétales aussi importantes que les comportements écologiques, comportements pro-environnementaux, on sait très bien que ce sont des recours qui sont utilisés assez fréquemment, hein, que ce soit par les associations, par les politiques ou par les personnes qui essaient de sensibiliser à ces questions-là. Moi-même, j'y avais pu y être confronté dans une vie antérieure, parce que je travaillais dans le domaine de l'environnement, justement. Ouais. Et on s'aperçoit que la culpabilité, bah, parfois ça marche et parfois ça marche pas. Donc on a essayé de s'attaquer un petit peu à comprendre un peu mieux les pourquoi et les justement mécanismes un peu intermédiaires qui pouvaient exister. Ouais, alors Sébastien, justement, vous signez un éditorial dans ce numéro de Cerveau et Psycho titré « Si vous ne triez pas vos déchets, vous irez en enfer ». Hein, c'est comme notre thématique sur le plastique aujourd'hui. Non, mais oui, j'avais réagi au propos du pape dans un sommet de théologie récemment, là, qui a vraiment regretté que de ne pas entendre plus souvent en confession personnes qui diraient « j'ai péché contre l'environnement, contre la planète ». Donc l'idée de classifier les mauvais comportements environnementaux dans le registre des mauvaises actions, au regard de la morale théologique catholique. Donc, ça montre que à la limite, c'est vrai que le registre de la culpabilité peut être étendu un peu à ce qu'on veut. Et évidemment, dans certaines religions, c'est quand même une des bases de particulièrement la pratique. Particulièrement la nôtre, d'ailleurs. Effectivement. Yves-Alexandre Talman, la culpabilité, est-ce que c'est d'abord un sentiment, une émotion qui revient beaucoup chez vos patients? Assez fréquemment. Ouais. Effectivement, c'est habituellement pas le motif d'une consultation, mais au fil des discussions, on se rend compte qu'il y a un terrain, et notamment chez les personnes qui ont subi des abus, que ce soit physique, psychologique, on se rend compte qu'il y a un terrain de type culpabilisation, où ces personnes vont dire c'est de ma faute en définitive, c'est pas la faute de l'agresseur, mais je l'ai bien cherché en quelque sorte, et donc on le retrouve en autoculpabilisation, effectivement. Vous-même, longtemps, vous vous êtes senti coupable ? Oui, alors moi je proviens d'un canton suisse catholique. Je me souviens d'avoir dû, comme obligation, aller au confessionnal. Donc en gros, on s'échangeait un peu des péchés avant d'entrer dans l'église pour savoir quoi dire, parce que ça n'avait pas tellement de sens pour nous. D'où cette idée de « au diable », il y a quelque chose de diabolique dans la culpabilité, dans le sens étymologique du terme. Ça nous coupe de nous-mêmes. Effectivement, dans l'univers familial aussi, quand quelqu'un ne va pas bien, on peut facilement prendre sur soi, c'est de ma faute si maman, papa ou frère, sœur, etc. Oui. Là, c'est votre mère dont vous parlez dans l'introduction. Oui. On peut en dire quelques mots parce que c'est quelque chose dans lequel on peut se reconnaître aussi, c'est-à-dire la culpabilité par rapport à la présence vis-à-vis de sa maman, par exemple. Oui, je dois dire que quand j'anime des formations sur le thème de le sentiment de culpabilité, puis que je fais un tour de table initial à ma petite statistique, mais elle ne vaut pas plus que ces personnes-là, mais 8 fois sur 10, dans ce tour de table initial, j'ai le mot maman qui apparaît. Je me suis posé la question, alors ça c'est purement spéculatif, mais quelque part on sait tous que notre maman a souffert, que ce soit physiquement ou que ce soit un niveau plus symbolique pour nous mettre au monde. Elle a fait des sacrifices. Et peut-être que justement on a cette dette qu'on a toujours. Sans redevable un petit peu. Et quand on n'en fait pas assez, on peut vite se sentir coupable. Ça peut durer longtemps, effectivement. Tiens, on va écouter l'extrait d'un film qui s'appelle L'Associé du Diable. Al Pacino dans Les Habits du Diable, pour faire écho justement au titre de votre livre Au Diable, la culpabilité. Tout est de ma faute. Je l'ai abandonné. Non, ne sois pas trop sévère envers toi-même, Kevin. Tu avais autre chose à penser, crois-moi. Tu ne peux pas continuer à te punir comme ça, Kevin. Je vais te dire, mon garçon, la culpabilité, c'est un énorme sac plein de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est le poser. Non, je peux pas faire ça. Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dis-moi, Kevin. Dieu? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. C'est un sadique! Bon, il a raison, ce diable, Yves-Alexandre Talman, non, finalement? C'est le tentateur par excellence. On peut se poser plein de questions, finalement. De ce point de vue-là, oui. Par contre, effectivement, on peut se rendre compte qu'on se culpabilise de tout et de n'importe quoi. Et là où la religion avait encore un pouvoir qu'elle est en train de peut-être de perdre à l'heure actuelle, on se rend compte que les sentiments de culpabilité n'ont pas pour autant disparu. Et les questions sanitaires, les questions écologiques, les questions de type d'hygiène reviennent en force. Ce que j'appellerais les néo-culpabilités. J'ai plus peur d'aller en enfer, mais j'ai peur de me ficher en l'air la santé ou bien de détruire la planète avec mes comportements. C'est un autre enfer finalement. C'est un autre enfer, mais la même culpabilité. Ouais. Alors Julie nous dit, j'aimerais savoir s'il existe une différence neurologique entre les sentiments de honte et de culpabilité en termes d'activation des parties du cerveau, est-ce différent? En quoi, Sébastien Boller? Oui, il y a des différences, ce qui est heureusement, parce que comme il y a des différences dans le ressenti, il doit forcément y avoir des différences dans le cerveau. Déjà, c'est vrai que la honte et la culpabilité, c'est pas la même chose au niveau du ressenti, puisque la culpabilité, c'est un jugement porté sur une action spécifique en général, alors que la honte a tendance à condamner tout l'individu. Quand on a honte, c'est que soi-même en tant que personne, on a tendance à se condamner. Et dans le cerveau, effectivement, alors la honte et la culpabilité partagent des points communs, notamment l'activation d'une zone qui s'appelle le cortex insulaire. Donc là, il y a un tronc commun entre les deux. Voilà. Et puis aussi, ça se chevauche un petit peu au niveau du cortex singulaire, qui est une partie du cerveau qui nous aide à détecter des erreurs qu'on a commises et à réorienter l'action. Mais la culpabilité se distingue par quelque chose de plus particulier, c'est l'activation d'une partie du cerveau qui s'appelle la jonction temporoparietale, qui intervient quand on se représente les états mentaux d'autrui. Donc quelque part dans la culpabilité, on se met un peu dans la peau de la personne qui a été lésée, et on examine ça un petit peu de son point de vue, et c'est ça qui donne l'impulsion peut-être pour essayer d'aller vers elle ou de changer quelque chose. Il y a une dimension réparatrice très importante dans la culpabilité. Il y a un peu de neurones miroirs là-dedans ou pas finalement? Alors les neurones miroirs, non, c'est pas proprement parlé dans la jonction temporoparietale, c'est plutôt au niveau prémoteur. En tout cas, il faut de reconnaître quelque chose de l'autre, d'y être sensible. Oui, tout à fait. La jonction temporoparietale, c'est ce qui nous permet vraiment de changer de point de vue. Ça intervient dans les phénomènes d'empathie, de mentalisation, c'est-à-dire de décentrage, très très important pour la cognition sociale. Catherine nous dit, je lis sur votre site et j'entends que la culpabilité est une émotion. Or, il me semble que c'est bien ça le problème. Ça n'est pas une émotion, mais une pensée. Il n'y a pas, contrairement aux émotions, de zone du cerveau où on peut la voir, ce qui la rend difficile à soigner. Alors, peut-être deux réponses avec Sébastien pour commencer. Aurélien Graton ensuite sur la partie neuro, peut-être Sébastien? Neurobiologie. Si, effectivement, il y a quand même une localisation cérébrale et puis il y a une dimension affective qui fait que c'est pas seulement une cognition, mais qui a un fondement émotionnel tout de même. Sinon, on ne s'en sentirait pas aussi mal lorsque nous nous sentons coupables. Aurélien Graton, alors une émotion ou une pensée pour répondre à Catherine? Alors ça rejoint une question un petit peu plus large et plus complexe qui est la définition d'une émotion finalement, et on sait qu'une émotion c'est pas une seule chose, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de pensée justement, une composante de cognition. Quand on éprouve une émotion, on va avoir des pensées sur la culpabilité, sur ce que c'est, sur ce que ça représente. On va avoir une dimension de ressenti subjectif, se sentir bien, se sentir mal. On va avoir des activations physiologiques aussi qui peuvent être déclenchées, comme les activations de neurotransmetteurs ou autres. On peut avoir l'activation de muscles, par exemple zygomatiques sur le visage pour certaines émotions. Donc une émotion, c'est pas une seule chose. C'est pas une pensée ou un ressenti, c'est un petit peu tout à la fois. C'est aussi des inclinations au comportement. On en a commencé un peu à en parler, mais pour la culpabilité, vers la réparation. Et en fait, c'est cet ensemble de choses, donc ces activations physiologique, cognitive, subjective, physiologique, qui compose une émotion. C'est pour ça que on peut pas réduire l'émotion uniquement au ressenti subjectif. Allez, on se retrouve dans un instant. Dossier culpabilité dans la tête au carré. Ce n'est pas le revoir, ce dernier mot dans nos regards. Ne meurs pas en un soir, non, ce n'est pas ça le revoir. Ce n'est qu'une fin du monde, une longue maladie sans mémoire. Tout s'est écrit dans nos ombres, nous n'avons pas voulu le voir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois tout ce qui nous fume et dans tout ce que nous fume. Mmh. les mêmes désirs à faire naître avant de tout faire disparaître aux couleurs tristes des maisons. Dans l'alcool caché sous l'évier, les silences lourds des dîners, nous avons tous ce vide immense, ce sourire pâle à maquiller. Mais ce n'est qu'une fin du monde qui s'écrit sans nous le dire. Sous les cigarettes qui flambent, tout le monde se cache pour vieillir. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Au hasard de nos mains trop lentes à écrire le sens caché de notre histoire. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Tu vois, tout ce qui nous fume est dans tout ce que nous fume. Ce qui nous fume, c'était le groupe Radio Elvis. La tête au carré sur France Inter. Voilà, trois invités pour essayer de nous libérer de la culpabilité. Comment alléger sa surcharge morale? Aurélien Graton est enseignant-chercheur en psychologie. Yves-Alexandre Talman est professeur de psychologie. Et Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau Psycho. Avec vos messages et témoignages nombreux, Françoise demande si nous sommes égaux face à la culpabilité, face à un événement similaire. Nous ne réagirons pas de la même manière. Et ça, effectivement, il y a plein d'exemples qui peuvent le montrer, Yves-Alexandre Talman. On pourrait dire que c'est le propre de toutes les émotions, tous les sentiments. C'est notre subjectivité à l'état pur, ce qui fait qu'on va répondre, réagir différemment. Et suivant l'éducation qu'on a pu recevoir, suivant la société dans laquelle on a évolué, on ne va pas éprouver le même type de ressenti face au même type de situation. Oui, justement, Sébastien Boller, il y a un petit passage d'un article où il est question justement d'une affirmation, comme quoi il serait possible de genrer le phénomène de la culpabilité. Je crois que c'est pas qu'il est possible de genrer, c'est qu'il y a vraiment des différences entre hommes et femmes. La culpabilité s'observe plus souvent chez les femmes, chez les sujets féminins que chez les hommes, effectivement. Ce qui est probablement trait à une éducation plus tournée vers ce qu'on appelle des émotions faibles, plus voilà tout ce qui nous pousse à être en retrait, à nous interroger sur notre rapport aux autres. Vous savez, avec les petites filles, on les pousse plus à être conciliantes, à partager, à se demander si elles ont été assez altruistes, alors que on le fait beaucoup moins avec les petits garçons. Et après, voilà, dans l'interview que nous accordait Stéphane Nuahusso dans Cerveau et Psycho, elle nous explique que dans sa consultation, c'est effectivement quelque chose qu'elle voit. C'est quelque chose qui s'observe plus chez les femmes, qui ont tendance après à voilà apporter cette croix tous les jours, se demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai encore nuit à un collègue, est-ce que j'ai bien éduqué mes enfants, est-ce que je me suis assez occupé de mes parents, c'est quelque chose qui s'observe. Aurélien Graton, quelles explications on peut donner justement par rapport à cette différence dans la façon de réagir par rapport à un événement et de se sentir ou non coupable? Alors, il va y avoir des différences liées, ça a été un petit peu évoqué, mais à la culture dans laquelle vous vous trouvez. Il y a des sociétés, des cultures, des familles qui vont mettre davantage l'accent sur les normes morales, ce qui fait, par exemple, que la sensation d'avoir enfreint une norme va être ressentie plus tôt, plus rapidement chez certaines personnes que d'autres. Mmh. Après, il y a des différences interindividuelles aussi qui peuvent exister. On va pas tous avoir les mêmes seuils déclencheurs. Alors, pourquoi? C'est encore d'autres questions. De nouveau, ça peut tenir à l'éducation, ça peut tenir à des différences intrinsèques qui peuvent exister. De nouveau, si on en revient à ces déclencheurs de la culpabilité qui vont cette sensation d'avoir enfreint une norme. Donc, quelle va être la norme? Comment est-ce qu'elle va être intégrée par la personne? Comment est-ce qu'elle va apparaître? Tout ça fait qu'après, dans le déclenchement de la culpabilité, on va observer des différences. Même au sein de cultures entières, hein, on sait qu'il y a des sociétés qui sont plus davantage portées sur la culpabilité en tant que régulateur social. C'est une émotion qui est utilisée dans les écoles, en famille, pour justement réguler le comportement. Ouais. On appelle ça même d'ailleurs des sociétés de la culpabilité, par opposition à des sociétés plus dites de honte, où on va cette fois-ci davantage s'appuyer sur cette émotion de honte comme régulateur pour faciliter les relations. Ouais. Sébastien Boller, justement, on est moins dans l'éducation de la honte que de la culpabilité, par exemple, dans nos cultures occidentales. J'aurais tendance à dire que oui, mais il faudrait demander son avis à M. Graton. Cela dit, effectivement, la culpabilité et l'éducation culpabilisante persistent, hein, même si effectivement l'empreinte d'une société autoritaire, très religieuse, a tendance à se desserrer. La culpabilisation de certains parents sur leurs enfants, comme on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure, se constate encore. Ça donne des micro-traumatismes qui ensuite sont difficiles à démonter. Mm-hmm. Des personnes qui, une fois adultes, continuent à avoir le réflexe de se demander est-ce que c'est pas encore une nouvelle fois de ma faute. Moi, je ne sais pas si on peut interpréter les images qu'on a vues récemment. Alors en Chine, il se trouve, j'avais été frappé de voir ces images d'employés d'une société dont les résultats n'étaient pas assez bons, qui devaient aller marcher à quatre pattes dans la rue. Justement, alors là, il me semblait que c'était plus pour infliger la honte même que la culpabilité. Ouais, Yves-Alexandre Talman, un commentaire? Oui, c'est que quelque part, si on y réfléchit, la honte n'amène pas des comportements qu'on pourrait appeler de type réparation. Autrement dit, en tant qu'outil de manipulation, d'outil d'influence, la honte n'est pas efficace. Quelque part, on a plutôt envie de fuir hein, la situation où on se fait humilier. Par contre, avec la culpabilité, c'est autre chose. Hein. Ça nous pousse à réparer. Et si on a quelqu'un qui sait manœuvrer ce levier, il peut obtenir de l'influence sur nous. Et c'est pour ça que dans l'éducation, on a encore passablement de culpabilisation, même inconsciente, même involontaire, oui. Mais pour obtenir ce qu'on aimerait de nos enfants, on va les culpabiliser. Si par exemple mon enfant veut pas manger son légume, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire « Ah, mais tu te rends compte, j'ai été au marché acheter un légume bio, alors que je pourrais te faire une pizza congelée. Mmh. » Pour qu'il se sente mal, ou bien je vais lui dire « Tu te rends compte, à l'autre bout du monde, il y a des enfants qui meurent de faim. » Mais le but, c'est qu'il mange son légume. Et donc, c'est d'avoir de l'influence sur lui. Il y a beaucoup de témoignages de questions des auditeurs de La Tête au Carré. Patrice nous dit: est-ce que vous pensez qu'un tortionnaire connaît sa culpabilité, mais qu'il réussit par un tour de passe-passe mental à s'en affranchir? Qui veut répondre? Aurélien Graton, par exemple, sur les mécanismes? Oui, justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les différences d'appréciation ou de ressenti de la culpabilité. Eh bien justement, non, on sait que certains tortionnaires, ils ne vont pas éprouver la culpabilité. Alors c'est un des facteurs explicatifs, hein, c'est pas le seul bien sûr, mais en tout cas pour certains tortionnaires ou certains psychopathes, on a pu constater des déficiences, même au niveau neuronal en fait, de l'activation justement des zones qui étaient évoquées tout à l'heure par Sébastien Boller, qui sont censées s'activer lorsqu'on éprouve ce type d'émotion, et en particulier les zones qui sont relatives à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, donc cette capacité à se décentré finalement, à éprouver, à comprendre ce que peut ressentir l'autre. Et on sait que c'est défaillant chez certains psychopathes qui donc sont incapables finalement de ressentir ce que va éprouver leur victime. Donc ça fait partie, alors évidemment c'est pas le cas pour tous les psychopathes, c'est pas le cas pour tous les tortionnaires, mais ça fait partie des éléments qui vont dans le sens de l'importance de ces émotions aussi pour justement se prévenir de faire du mal à autrui, ce que certaines personnes ne sont pas capables de faire. Un autre message, celui de Nadia qui nous dit ceci: alcoolique libéré, ayant maintenant de bons rapports avec mes enfants, je n'arrive pas à cesser de culpabiliser de ce que je leur ai fait vivre. Je n'ose jamais les contredire, même s'ils ont tort. Je ne leur tiens jamais tête en cas de conflit. J'ai toujours peur de les blesser. Je suis remise à ma place de personne de peu d'importance que m'avaient assigné mes parents. Et c'est très douloureux. Un commentaire sur ce témoignage, Yves-Alexandre Talman? Oui, alors la première chose, c'est qu'on voit que ça peut perdurer, hein, ça peut être extrêmement long, hein, cette autoculpabilisation. Et puis, l'autre chose qui serait intéressant de voir, c'est d'interroger les enfants. Alors, ok, ils ont enduré, mais peut-être que ce qu'ils ont enduré leur a permis de se construire, de développer la résilience ou je ne sais quoi, qui est devenu une qualité après. Autrement dit, ce n'est pas parce que cette personne a souffert de l'alcoolisme et en a fait souffrir ses proches que forcément ça induit quelque chose de très négatif ou de trop négatif sur leur destinée. Et c'est là qu'on retrouve un peu cette idée de trop d'influence qu'on s'accorde quand on se culpabilise par rapport à ce que les autres peuvent faire avec ces situations. Sébastien. Oui, je trouve que cette situation nous montre vraiment que la culpabilité renvoie au choix. C'est-à-dire, quand on s'estime coupable de quelque chose, c'est que on suppose qu'on avait le choix de faire autrement au moment où ça s'est passé. Et si on est honnête, si on regarde les événements vraiment avec simplicité, parfois il faut reconnaître qu'on n'avait pas le choix. Une personne qui se trouve prise dans un engrenage d'addiction, d'alcoolisme, de précarité, parfois est elle-même aussi victime, et parfois commet des actes qui nuisent aux autres, mais sans vraiment avoir le choix à ce moment-là. Et quand on se dit « je suis coupable », c'est qu'on suppose par définition, qu'on aurait pu faire autrement. On s'accorde un pouvoir, en fait, qu'on n'a pas forcément. Et c'est ce qui est très bien expliqué dans l'article d'Yves-Alexandre Talman, c'est que quelque part, on préfère se sentir coupable pour s'imaginer que quelque part, on avait toutes les cartes en main, plutôt que de se dire, bah, j'étais impuissant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir impuissant. Ouais. Alors justement, ça c'est quelque chose qui est très important dans ce que vous écrivez, Yves-Alexandre Talman. Expliquez-nous ça, parce que ça peut paraître presque contre-intuitif, d'ailleurs, ce que vient de décrire Sébastien, sur le côté surpuissant finalement de ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment vous l'entendez? C'est vrai que c'est paradoxal, parce que quand on interroge les personnes qui souffrent de cette culpabilité, elles vont dire au contraire, je me sens impuissant, ça me dépasse. Ouais. Mais si on y réfléchit, la pensée qui accompagne la culpabilité, c'est j'aurais dû. Hein. Alors cette femme, j'aurais dû ne pas être alcoolique, hein, j'aurais dû me comporter différemment, et ce qui renvoie à l'idée qu'elle aurait pu, qu'elle avait le pouvoir, et que quelque part, si elle s'était comportée différemment, alors assurément, ses enfants n'en auraient pas souffert. Et c'est là où on a, non seulement j'ai une influence sur autrui, mais j'ai la toute puissance par rapport à ceci. Je donnerai un exemple peut-être plus simple et plus commun, c'est souvent les femmes qui reprennent leur activité professionnelle et qui placent leurs enfants en garderie, en crèche, peuvent se sentir coupables avec cette idée que si elles étaient là pour leurs enfants, alors forcément ce serait mieux pour eux. Alors que pas forcément. Hein. Certains enfants vont se développer peut-être mieux dans un univers social différent, avec d'autres enfants. Et donc, ça dépasse son propre pouvoir, quelque part. Ça peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont victimes d'abus et qui vous disent ensuite, c'est de ma faute. Parce que si j'avais pas été là, ça ne se serait pas passé. Mmh. Alors qu'évidemment, ils y sont pour rien et ils n'ont absolument pas choisi d'être là à ce moment-là. Et ça montre qu'en fait, il y a un besoin humain profond de se dire j'aurais pu ne pas être là. C'est quelque part se persuader qu'on garde le contrôle de quelque chose. Donc c'est la surpuissance finalement dont vous nous parlez. On a besoin de se dire qu'on a pris sur les événements. C'est quand même ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre, savoir quoi faire pour ne pas être pris dans des situations horribles. Donc on a le réflexe de se dire rétrospectivement j'aurais peut-être pu faire différemment. Un petit mot Aurélien Graton, j'aimerais vous entendre réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur aussi la nécessité de trouver la bonne dose de culpabilité. Et que là, on est dans des culpabilités où finalement, l'objet, la possibilité de réparer va être absente ou va être impossible à faire parce que on prend l'exemple des enfants qui ont été victimes d'abus ou ça fait penser aussi aux personnes qui sont parfois victimes d'accidents de la route ou d'accidents d'avion qui vont éprouver un sentiment de culpabilité derrière. Ouais. Sauf que ce sentiment va pas pouvoir s'exprimer dans une possibilité de réparation puisque par définition, les autres victimes sont décédées ou c'est quelque chose qui est trop loin dans le passé. Et dans ces cas-là, on peut entrer dans des mécanismes, effectivement, de rumination, de toute puissance, d'impuissance, bizarrement, les deux étant assez proches, ressenti. Et c'est là où on va finalement activer d'autres sensations et la culpabilité va derrière amener des pathologies plus lourdes comme la dépression ou l'anxiété généralisée qui peuvent fortement corréler avec la culpabilité. Donc, en fait, la culpabilité, pour qu'elle soit constructive, il faut qu'elle soit limitée dans le temps et limitée à un objet facilement réparable, quelque part, qu'on ait la possibilité d'agir pour faire diminuer ce sentiment. Parce que, comme toute émotion, l'émotion de culpabilité n'est pas censée durer trop longtemps. Elle est censée être circonscrite dans le temps et circonscrite à des actions précises. Sinon, c'est là qu'on rentre dans une culpabilité délétère. Alors justement, ça commence à quel moment, finalement, dans la vie d'un être humain, ce sentiment de culpabilité? Parce qu'un enfant naissants ne se sont pas coupables de rien, justement, Yves-Alexandre Talman. Oh, alors, comme c'est une émotion... C'est une construction culturelle ? Alors, comme c'est pas une émotion primaire, hein, comme la peur ou la colère ou la tristesse, mm-hmm. il faut que la conscience de soi soit opérationnelle. Donc, on parle d'un an et demi, mais là, on est au tout début. Donc, après, ouais. on parle de 3 ans. Certaines personnes évoquent même 7-8 ans, hein, le moment que toutes les normes sociales soient bien intégrées. Donc, un enfant, effectivement, en bas âge, peut déjà se sentir coupable. Ça, c'est clair. Ouais. Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, oui. Mais ce qui revient dans le dossier, c'est l'âge d'à peu près 3 ans. Ouais. Voilà, parce que avant, l'enfant effectivement peut engager des comportements réparateurs, mm-hmm. mais plus par empathie, par sympathie avec la personne qui voit souffrir à côté de lui. Mais pour qu'effectivement, il fasse le lien entre ses actions, les conséquences de ses actions, et greffer dessus un regard de la norme sociale mm-hmm. qui introduit un ressenti d'ordre moral, c'est minimum 3 ans. Ouais. On va écouter le témoignage de Mathilde, 19 ans, c'était en mars, donc il n'y a pas très longtemps, hein, à l'occasion d'un podcast autour de la culpabilité pour Louis Média. Ça peut me pousser à faire ou à ne pas faire des choses. C'est quelque chose qui me fait beaucoup ruminer sur mes actions et revenir dessus, y songer à nouveau et me demander à quel point j'aurais pu mal agir, à quel point certaines conséquences néfastes pourraient être de ma faute. Quand je remplissais de la vaisselle le soir et que je faisais tomber un verre et que je le cassais, je me mettais à pleurer, mais jusque tard. À 9 ans, un enfant pleure plus pour ça. Et moi, je pleurais parce que j'avais cassé un verre et que c'était grave et que c'était une erreur. Et si j'y réfléchis, je me souviens qu'en CM2, il y a un contrôle de maths sur les fractions où j'ai eu 9. Et je me dis, mais j'ai 19 ans, je devrais pas me souvenir de ça. Et je devrais pas continuer à m'en vouloir pour avoir pas compris une leçon une fois. J'avais des gros problèmes de gestion de la culpabilité. Je me scarifiais et je me suis fait subir ça un bon nombre de fois, et même, ça a duré plusieurs années. Mais il y avait une grosse forme aussi de punition là-dedans, et de me dire en fait t'en vaut pas la peine et tu fais mal les choses, donc fais-toi du mal. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça pendant longtemps. Voilà, Mathilde, 19 ans, son témoignage à l'instant. Aurélien Graton, est-ce que vous souhaitez le commenter? On peut parler d'une culpabilité pathologique dans le cas de cette jeune fille ou pas? Oui, là on voit bien qu'effectivement on est dans une disproportion, hein, entre le sentiment de faute commise et puis la réalité de l'acte qui va engendrer cette espèce de rumination perpétuelle et cette impossibilité de réparer finalement, parce qu'on va se sentir coupable en permanence pour tout et n'importe quoi. Mmh. Et dans le cas de la scarification, c'est assez intéressant parce qu'on a des expériences menées qui nous montrent que lorsque les personnes sont privées, lorsqu'elles éprouvent de la culpabilité, qu'elles sont privées de la possibilité de réparer, on manipule ça expérimentalement, elles vont, certaines personnes, s'infliger du mal, en fait. C'est ce que les chercheurs ont appelé l'effet Dobby, en fait. C'est le nom de, pour ceux qui connaissent Harry Potter, hein, l'elfe dans Harry Potter, ouais. qui est en permanence en train de s'infliger des blessures et de se faire mal. Et cet effet Dobby, c'est finalement, je n'ai pas la possibilité de réparer, je suis submergé par mon émotion de culpabilité, donc je vais me punir, je vais m'auto-punir. Et donc c'est un mécanisme qui peut arriver chez certaines personnes qui éprouvent cette culpabilité un peu pathologique, et l'exemple du témoignage en est un. Ouais, Yves Alexandre Talman, un complément? Oui, en fait, les pensées d'autoculpabilisation sont déjà une sorte de mortification, quelque part de revenir à charge et d'y penser. C'est une façon de se faire souffrir, autrement dit, de s'infliger la douleur pour expier la faute. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une culpabilité toxique, Sébastien Boller, hein, parce qu'on va y revenir, hein, sur l'utilité de la culpabilité, mais là, on est vraiment dans le versant négatif, hein. Oui, oui, c'est évidemment toxique, mais il y a une logique dedans. Ça reflète vraiment le fonctionnement moral de l'être humain, c'est que on a une notion de justice qui est ancrée profondément dans nos neurones. Donc soit on répare, ouais. quand on peut, soit il faut qu'il y ait une justice, et donc là on considère qu'il faut punir le coupable, et si le coupable c'est soi-même, eh ben on y va. Et c'est étonnant de remarquer à quel point ça se retrouve souvent dans la religion, parce que la religion utilise l'altruisme dans une volonté prosociale, c'est-à-dire créer de l'altruisme et des comportements prosociaux entre les gens, mais a aussi ce versant d'auto-flagellation qu'on a même retrouvé avec les martinets et les fouets avec lesquels on se flagellait soi-même par principe quand on n'avait pas assez fait de bonnes actions à l'extérieur. Yves nous dit, je n'ai pas l'impression que la culpabilité ni même la honte gêne beaucoup nos hommes, femmes politiques qui nous gouvernent, sinon je pense qu'ils dormiraient mal. Qu'en pensez-vous? La culpabilité existe-t-elle chez les personnes de pouvoir? Yves-Alexandre Talman, c'est pour vous cette question. Alors, est-ce que vous avez étudié le sujet? Non, j'ai pas étudié le sujet du pouvoir. Par contre, j'ai eu dans ma consultation des personnes qui occupaient des postes en vue. Et entre la personnalité publique et ce que la personne va exprimer dans l'intimité d'un cabinet de psychologie, de psychothérapie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, ces personnes peuvent tout aussi bien se sentir coupables. Aurélien Graton, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors j'avoue que je me suis pas penché non plus directement sur la question, mais on a quand même quelques études qui tendent à montrer que les personnes de pouvoir ou les personnes les plus aisées financièrement font plutôt moins preuve d'empathie justement dans des jeux de rôles sociaux, des jeux de répartition. Mmh. Donc c'est peut-être une piste à creuser. Alors le recours à la culpabilité justement dans les messages de prévention, de persuasion, on en parle aujourd'hui une fois de plus à l'occasion de cette journée autour du plastique. Mais est-ce que ça marche, Aurélien Graton, vraiment de culpabiliser les gens qu'on souhaite viser, ou même dans les publicités par exemple, ou dans les messages de sécurité routière, ou dans le cadre de la cigarette, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne quand même un petit peu. C'est vrai que la tendance parfois est de dire on en a marre d'être culpabilisé, arrêtez de nous culpabiliser. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'éprouver cette émotion puisque c'est une émotion désagréable. Donc on va avoir cette tendance au rejet. Néanmoins, on sait que un petit peu de culpabilité, lorsqu'elle est bien ciblée, justement qu'elle va activer ce besoin de réparation, ça peut être facilitateur de l'adoption de certains comportements et de la meilleure réception de certains messages. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement le cerveau humain va être dans une situation désagréable, et pour sortir de cette sensation désagréable, il va chercher à réparer en adoptant le comportement choisi. Par contre, trop de culpabilité, on sait aussi que c'est contre-productif, ça va générer ce qu'on appelle les effets de réactance. Alors la réactance, c'est les personnes qui vont se sentir privées de liberté, qui vont se sentir trop contraintes. Et on sait que l'être humain déteste ça, globalement, et lorsque vous vous sentez privé de liberté, vous allez faire quoi ? Vous allez chercher à retrouver votre liberté, y compris parfois en faisant l'inverse de ce qu'on vous demande. Donc c'est typiquement le fumeur à qui on va dire tu devrais arrêter de fumer ou tu devrais moins fumer, et qui va avoir envie d'allumer une cigarette. Quand bien même il sait que c'est pas forcément le comportement recherché, mais il se sent privé de sa liberté, donc il réagit comme ça. Donc en fait voilà, c'est une espèce de dosage à trouver. Néanmoins, il faut pas dire pas de culpabilité du tout, parce qu'on sait aussi que les émotions trop positives, c'est comme la joie ou autre, n'aident pas non plus forcément au bon traitement des messages ou de la persuasion, tout simplement parce que dans ces cas-là, votre cerveau va se dire je vais bien, j'ai pas envie d'être dérangé, donc je ne vais pas tenir compte de ce qu'on me dit. Ouais. Donc c'est un équilibre qui est subtil à trouver. Allez, encore un extrait pour illustrer notre conversation autour d'un film, La fille inconnue des frères Dardenne. Vous l'avez vue en bas, sur la berge, qu'elle bougeait plus. Vous êtes descendu pour voir ce qu'elle avait ? Non. Non, je sais pas, je pensais qu'elle était évanouie, je sais pas, qu'elle se réveillerait. D'après l'autopsie, elle n'est pas morte à cause du choc, mais parce qu'elle a perdu son sang quand elle était sans connaissance. Mais donc j'ai laissé mourir ? Lâchez-moi. C'est ça ? Lâchez-moi. Hein ? Vous me prenez pour qui ? Lâchez-moi. Pour qui ? Ne regardez pas comme ça d'en haut ! J'arrive plus à dormir à cause de cette fille. Elle est tout le temps dans ma tête. Si vous aviez ouvert votre porte, tout ça ne serait pas arrivé. Moi aussi, la fille, elle est tout le temps dans ma tête. C'est à la police que vous devez dire la vérité. Pourquoi je foutrais ma vie en l'air ? Parce qu'elle nous le demande. Qui ? La fille. Elle s'en fout. Elle est morte. Si elle était morte, elle ne serait pas dans nos têtes. Voilà, Yves-Alexandre Talman, belle réplique. Hein. Si elle était morte, elle ne serait pas dans nos têtes. Double culpabilité, finalement, hein, dans cet extrait du film des frères Dardenne, La fille inconnue. Mmh. Étonnant finalement, hein, cette façon de s'associer ensemble dans le ressenti. Et de culpabiliser. Là, on voit à un moment donné la réplique violente, hein, de la personne qui va essayer de trouver un moyen de s'en sortir. En l'occurrence, là, hein, plutôt que de faire amende honorable puisqu'il ne peut pas, et ben, ouais. Ça se traduit en agressivité. Est-ce qu'on va trouver la bonne façon de trouver justement le juste équilibre, Sébastien, en lisant Cerveau et Psycho, la bonne dose de culpabilité ? Bah, c'est le but. Oui. Voilà. C'est le but. C'est-à-dire que, non, il faut pas se priver de ce sentiment. Je crois que c'est un sentiment qui fait honneur à l'être humain de savoir. Parler de l'auto-évaluation de nos actes, hein, tout voilà, à l'heure. Voilà. Faire son examen de conscience. Ouais. Se demander si on a une bonne conduite, qui ne nuit pas aux autres, qui, et savoir. Voilà, la difficulté, c'est d'apprécier une situation, de savoir évaluer une situation pour savoir dans quelle mesure on en est responsable et ce qu'on peut faire pour réparer. Et dans l'hypothèse où on ne peut pas réparer directement auprès de la personne, on peut toujours effectivement se montrer plus sympathique vis-à-vis des autres, parce que c'est ce qu'on appelle un exhausteur général d'altruisme. Voilà. Et puis dans le cas où on ne peut pas réparer, c'est bien savoir que là, ça peut nous jouer des tours et qu'il est inutile de s'auto-flageller. Eh bien justement, pour nous aider à nous libérer de la culpabilité, Cerveau et Psycho, numéro de mois d'avril, est dans les kiosques. Et puis également, ce livre, Au diable, la culpabilité pour retrouver notre liberté intérieure. C'est ce livre que vous signez, Yves-Alexandre Talman, chez Jouvence. Merci également à vous, Aurélien Graton, et aux équipes de France Bleu Savoie.